matin, si ça ne sert plus à rien, même pas à la messe. Dixit Virgile, un soir au Mont Palatin, titire et tout, pas tous les récubans, ça se danse. Évadé rétro satana, alléluia, in secula seculorum, ad libitum in vino veritas, et omnia vanitas, si vis passem parabellum, vade mecum, c'est pas du français mais c'est tout comme. J'aime bien les mots qui ne prouvent rien, et je traduis à ma guise ce qu'on dit, quoi qu'on dise. Évadé rétro satana, alléluia, in secula seculorum, ad libitum in vino veritas, et omnia vanitas. Et je suis heureux au maximum. Beat them.